Section 84 de la lecture, tome 2. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous dans LibriVox.org. Lu par Zenobi. La lecture, tome 2. Section 84. Cathy Sou. Par Jules Clarotti. Chapitre 5. Le brigadier fit tomber sur l'ongle de son pouce gauche la cendre chaude de sa pipe et se préparait à bourrer encore la camarade lorsque, belle et gaie, enveloppée d'un chaud rayon de soleil couchant, Catherine Tarot revint avec ses bras nus, s'accoudée à la fenêtre dans l'encadrement de la glycine et la voix allègre avec un beau rire. « Allons, Martial, le clafoutis sort du four, la vraie jaune fume, appelle les petits !» Martial Tarot se leva, fit un cornet de ses deux mains et cria de loin aux joueurs de Piquerome « Ohé là-bas, gaminos, à la soupe, mauvaise troupe !» Et comme les gamins accouraient, humant déjà l'odeur de soupe aux choux et de cerises cuites, le brigadier, prenant son aîné entre ses jambes, dans les plis de son pantalon bleu à gants noirs, et poussant devant lui les autres, ôta son képi bleu galonné de blanc, nous salua et, gaiement, s'en alla goûter à la fois à la soupe chaude et au baiser frais de Cathy Sou. Au bout de la rue, un sabotier bridait des sabots en chantant la vieille chanson « Vive Limoges pour ses beaux cavaliers, l'amour y loge sous l'écran châtaignier. » Et le soleil couchant envoyait son dernier rayon au drapeau de fer du bon gendarme. Fin de la section 84.